Un mercredi, vers 8 heures, le président de la République a pris son scooter et est sorti du palais de l'Élysée pour aller acheter des croissants. Puis, il est allé prendre son petit déjeuner avec le Premier ministre à Matignon. À 10 heures, le Premier ministre lui a fait remarquer qu'il fallait retourner à l'Élysée pour le Conseil des ministres. Alors, le président a pris son scooter. Il est d'abord passé devant le Sénat, rue de Vaugirard, puis devant l'Assemblée nationale, rue de l'Université.